et il se produisit un petit bruit sec comme celui d'une fracture. Qu'avait-il donc cassé? Il enleva le fichu et trouva le collier étalé sur la malachite. Il avait écrasé deux perles. Son premier mouvement fut du dépit et du chagrin. « Quel maladroit je fais !» se dit-il. « Et comme Ghislaine va être désolée, son collier !» Mais il s'arrêta surpris. Si peu versé qu'il fût dans l'art de la joaillerie, il savait que les perles sont formées d'une matière nacrée, compacte, solide, résistante, qui ne s'écrase pas sous le pied d'une lampe, si lourde que soit cette lampe. Alors, qu'est-ce que cela voulait dire? Il resta un moment interdit, ne comprenant pas. Puis, ramassant les morceaux des perles, il les prit dans sa main, les examina. Mais il n'y vit rien de particulier, et cependant il y avait là quelque chose d'étrange et de mystérieux. Sa première pensée fut d'entrer dans le cabinet de toilette pour raconter cette aventure à Ghislaine. Mais il avait déjà fait deux pas, quand il s'arrêta, revint à la table, égalisa les perles de façon à ce que le vide qu'il avait fait disparût, et recouvrit le collier avec le fichu.